En matière d'investissement responsable, plus de 10 000 citoyens comme vous et leurs organisations. Faites fructifier votre argent tout en contribuant à votre communauté avec le placement à rendement social au www.placement.coop. Le samedi 2 avril prochain, la programmation spéciale du Radioton vous en mettra plein les oreilles avec comme invités Coco Méliès, Nima, Jérôme Minière, Florence Lompré, Paul Darèche et plusieurs autres. Une table ronde sur la radio et les possibilités numériques, notre 5 à 7 Rockabilly. La Fabrique culturelle.tv s'associe à CKRL pour vous présenter cette journée qui détonne. Les artistes d'ici sont toujours plus nombreux à adopter la Fabrique culturelle. Moi, je pense que la Fabrique, là, c'est un privilège. C'est très certainement la plus belle occasion qu'on a d'être curieux. Je trouve que la Fabrique a une sorte de liberté que peu de gens ont. Par le web, le partage, c'est le nouveau bouche à oreille. C'est vraiment un rafraîchissement des méthodes de diffusion. Peu importe le lieu où je me trouve dans le monde, je me branche sur lafabriqueculturelle.tv. Et bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde, au choix musical et Marc Chaunet à l'animation. Alors, en cette édition du 26 mars, comme vous l'avez entendu juste avant, la semaine prochaine, c'est le Radioton à CKRL, donc il y aura une émission spéciale. Nous, on sera pas là, mais il y aura Stéphane Villeneuve et une émission spéciale de l'autoroute pour la millième qui va débuter justement à 22h à l'heure habituelle où on se donne rendez-vous. Donc, c'est un rendez-vous également pour le Radioton. Parlant de Radioton, on vous invite, il reste une semaine pour faire des dons. Un don pré-Radioton qui vous donne la chance de gagner des certificats cadeaux d'une valeur de 200$ ou 150$ chez le pédalier. Alors, encouragez la station et encouragez-nous à poursuivre, donc à vous offrir du bon rock progressif. Donc, Bruno nous a préparé un bon choix musical, comme d'habitude, avec un paquet de bons groupes des années d'aujourd'hui, des années 2000. Et on va débuter en Italie, ça vous surprendra pas. C'est un groupe instrumental, c'est leur premier album, Progenesi, Ulisse, l'Alfiere Nero, c'est le titre de l'album. Et donc, c'est un beau disque avec beaucoup de claviers. On débutait avec la pièce Il Blu della Notte. Et ensuite, on poursuivra avec un groupe américain, Majestic, tiré de leur superbe album double VOZ, qui signifie Voice of comment il s'appelle donc Zosimos, voilà, The Voice of Zosimos, qui est le voyage de Zosimos en fait, qui est réparti comme je le disais en deux disques et plusieurs pièces qui s'enchaînent. Et on aura une pièce intitulée Red Skies. Ça c'est la pièce, c'est les pièces qui sont plus séparées sur le CD2. Alors on débute tout de suite avec Progenesi et Majestic. Et on vous revient ensuite vous parler du festival Terra Incognita, des spectacles qui s'en viennent également dans le rock progressif. Mais on y va tout de suite en musique. Progenesi et Majestic. Thank you.

soirée vous est présentée par La Barberie. Que se passe-t-il lorsque les brasseurs de La Barberie rencontrent d'autres brasseurs de microbrasserie du Québec? Moi, je mettrais du blé. Moi, je mettrais une levure spéciale. Ouais, une levure belge. Moi, je la ferais vieillir longtemps. Moi, je mettrais de l'eau. Peut-être une épice, hein? Non, pas d'épice. Du kiwi. Ouais, du kiwi! Je mettrais du houblon de Nouvelle-Zélande. Du Nelson! Donc, on s'entend, les amis. On brasse une smash, une quadrupelle, une IPA belge et une sûre au kiwi. Surveillez l'arrivée de nos le Radioton de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine festive. C'est le temps de venir voir et entendre vos animateurs et animatrices préférés, et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre, de miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don. Ce Radioton vous sera présenté grâce à nos partenaires majeurs, La Barberie, Le Bal du Lézard, Audiolite et l'Hôtel Château-Laurier. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix aux émissions nocturnes. Errance rénaldienne les jeudis à minuit avec Rénal Gagné, L'Autoroute les samedis minuit avec Stéphane Villeneuve, Vincent Delisle et Jacques Dulac, et Nuit tard les dimanches minuit avec James Temple. Messieurs, je vous présente la reine Elisabeth, votre reine légitime. Vous tous qui êtes venus en ce jour lui rendre hommage et la servir, êtes-vous disposés à la reconnaître? 89. Elisabeth II. CKRL.qc.ca. Et couronnée. Et couronnée. Alors, oui, de retour à Terra Incognita. Votre émission de rock progressif d'aujourd'hui qui rejoint quand même souvent hein, la musique des années 70. Il y a encore tellement de bons groupes aujourd'hui. Ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était Majestic des États-Unis, le projet de Jeff Hamill, et c'était tiré de son album VOZ, Voyage of Zosimos, et la pièce Red Skies. Et on avait débuté avec un groupe de l'Italie, Progenesis, et leur premier album Ulisse, L'Alfiere Nero. Alors on poursuit, mais on vous parlait de vieille musique. Il y a au festival Terra Incognita, ça se passe le 20, 21 et 22 mai, c'est la longue fin de semaine de l'Action de grâce. Il y a RPVL. La première journée, c'est le soir en fait, le spectacle The Man and the Journey, un spectacle de Pink Floyd qui a été imaginé en 1969 par Roger Waters et qui a servi en fait de trame sonore pour les albums Uma Guma et More, donc de Pink Floyd, un superbe hommage au vieux Pink Floyd avec RPVL, groupe de l'Allemagne. Et le lendemain, on débute la journée vers les 4 heures avec Inner Odyssey. 4-5 heures, oui. Inner Odyssey du Québec. Ensuite, il y a Abel Gance qui viennent du Royaume-Uni et RPVL qui présentent des pièces d'RPVL, puis ils sont vraiment bons dans leur compo aussi. Et le dimanche, il y a Kinetic Element des États-Unis, Unreal City de l'Italie et Sylvan de l'Allemagne. Alors ça, c'est tous des groupes excellents et ça fait une très belle fin de semaine de rock progressif, le Festival Terra Incognita. Plus proche, dans deux semaines, Steve Hackett, qui était guitariste de Genesis, qui sera au Grand Théâtre pour présenter une rétrospective de sa carrière, Acolyte to Wallflight, et quelques pièces de Genesis, évidemment. À ne pas manquer au Grand Théâtre le 8 avril. Le 16 avril, au Théâtre Capitole, il y a Dream Theater. Ou le 28 avril, au Cercle, ça c'est plus expérimental un peu, avec Tony Levin, Pat Mastelotto de King Crimson, Stickman. Et donc une occasion unique de les voir. Et également au mois de mai, on a Anderson, John Anderson, le chanteur de Yes, avec Jean-Luc Ponty. Anderson Ponty, donc au Palais Montcalm. Et également le chanteur britannique Peter Hamill, qui sera à la salle Sylvain Lelièvre le 2 juin. Et c'est à ne pas manquer les spectacles qui s'en viennent dans le rock progressif. Il y a de très bonne musique. Et si vous écoutez CKRL un peu, il y a également les nuits psychédéliques la fin de semaine du 12-13 au Cercle. Il y a des bons shows qui viennent chercher proche de, en tout cas, les amateurs de prog, puis de vieille musique rock devraient aimer ça aussi. Alors, on poursuit avec un groupe de la Suède, Anecdoten, un des meilleurs groupes du nouveau rock qui a débuté dans le début des années 90, avec leur plus récent album paru l'an dernier, Until All the Goals Are Gone. La pièce Shooting Star, on aura Wobbler, de la Norvège, avec un extrait de Rites of Dawn, la pièce In Orbit. Alors, vous allez voir, ça aussi, c'est du rock d'aujourd'hui qui a l'esprit très inspiré. Allons-y tout de suite avec Anecdoten. We'll be right back. praise the sun and the moon. Tomorrow borders closer to all the hidden things. What we became. We'll be right back.

de retour à l'émission Terra Incognita avec Bruno et Marc. Et c'était un excellent choix musical de Bruno, un bloc scandinave avec les Norvégiens Wobbler, tiré de Rites of Dawn, la pièce In Orbit. Et ça avait débuté avec les Suédois Anecdoten, et tiré de leur plus récent album Until All the Ghosts Are Gone, la pièce Shooting Star. On poursuit maintenant avec ce qui est en fait un album paru en 2001, le seul album de ce groupe italien. Pour moi, c'est pas mal une découverte là. Il me semblait jamais avoir vu cet album. Le groupe Jetlag, donc ils ont été fondés en 96, ils ont débuté en 96 puis ils ont réalisé qu'un seul album, donc l'album Delusione Ottica. Et il y aura la pièce de résistance Mare Nostrum de cet album. Et ensuite, on retourne aux États-Unis avec Glass Hammer, qui est une très bonne carrière depuis les années 90 aux États-Unis, très actif, tiré de un de leurs meilleurs, The Unconsolable Secret, et la pièce Maker of Crowns. Mais tout d'abord, Jetlag. Oh, sono l'onda, io il vapore, sono la goccia, io sono il mare. Il mare. School.

Peu importe le lieu où je me trouve dans le monde, je me branche sur lafabriqueculturelle.tv. OK. Parce qu'on aime CKRL. Salut, c'est Pascale Picard. Je suis très heureuse d'être co-porte-parole du prochain Radioton 2016 en compagnie de M. Alain Girard. Je vous invite à passer nous voir au 405 3e Avenue pour assister aux émissions spéciales toute la fin de semaine du 1er au 3 avril ou à faire un don en ligne dès maintenant sur ckrl.qc.ca. L'objectif est 40 000 $. Soyez généreux! Je vous invite d'ailleurs à Terra Cognita à suivre nos épopées sur notre site web. Alors, terraincognita.québec, terraincognita tout d'un mot, .québec. Et allez faire un tour sur Facebook aussi. On a un groupe Facebook et on a d'autres nouvelles sur ça. Et nos podcasts sont toujours disponibles à chaque semaine sur le site de CKRL en allant dans programmation. Et alors, ce qu'on a entendu juste avant, il y avait Glass Hammer, tiré de The Unconcealable Secret. C'est un extrait de la pièce Maker of Crowns. Et juste avant, Jetlag de l'Italie. Et c'est tiré de Delusione Ottica. Alors, pour terminer, dernier bloc, on a de l'Espagne Ignatius, tiré de Lights from the Deep, la pièce Morning Moon, et également de l'Allemagne Samsara Blues Experiment. Alors, on y va tout de suite en musique avec Ignatius. Thank you.